Oui, il y a une véritable adhésion. Sur ces concerts du dimanche matin ont un véritable succès. Et ce qui nous intéresse, c'est de créer un vrai spectacle. Enfin, on parle de concerts, mais ce sont des spectacles qui associent la musique, le théâtre, la marionnette, la danse, quelquefois. C'est un moment artistique. Très bien, on va pouvoir en reparler au cours de cette émission pour eh bien une actualité proche dans le temps, puisque ça sera le premier week-end de cette série pour cette nouvelle saison. Premier week-end qui se déroulera les 19 et 20 octobre prochains, c'est d'ici quelques jours.